comme le nom du peintre Jean-François Millet, peut-être qu'on connaît aux États-Unis, qui est apprécié aux États-Unis. Oui. Vous êtes un descendant de cet artiste ? Non, non, bien qu'on habite à 30 km de sa maison natale. Alors comment est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas un descendant ? Comme il est né à 150 ans, mon grand-père m'aurait dit qu'on était un descendant, je pense, oui. Et j'aurais bien aimé être un descendant de Jean-François Millet. Ah oui, parce qu'il est bien. Il m'aurait peut-être laissé un beau tableau. Alors vous écoutez le père de la famille, c'est Jackie Millet, et sa femme, c'est Karine. Bonjour Karine, bonsoir. Oui, bonsoir. Et les enfants, voici l'aîné, et qui est Lucas. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous voulez dire un peu de vous, Lucas ? Quel âge ? Quelle classe à l'école ? J'ai 19 ans et... Oh, 19 ans ? J'ai 18 ans. Et puis, enfin, il y a François, non ? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, François. J'ai 11 ans et demi. 9 ans et demi ? 11 ans et demi. Oh, 11 ans. Oh, excuse-moi, un grand garçon. 11 ans et demi. Et l'anniversaire est quand ? Le 8 décembre. Encore. Moi et Louise, nous sommes il le décembre aussi. Il est sagittaire comme tout, c'est pour ça qu'il est si sympa, tiens. Voilà. Et la Benjamine, c'est Charlotte. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Si on avait la télévision, vous verriez une jolie petite fille avec des beaux cheveux tout ondulés. Ouh, qu'elle est mignonne. Merci. Quel âge as-tu, Charlotte ? 7 ans. 7 ans. Eh bien, alors qu'est-ce que vous faites ici, la famille ? Alors, on avait promis d'emmener les enfants faire un long voyage aux États-Unis. Ça fait 3 ans que François me dit « Maman, quand est-ce que tu nous emmènes aux États-Unis ? » Et cette année, en janvier, on s'est décidé. Et donc, on est aux États-Unis depuis le 8 juillet et on repart samedi. Donc, on aura fait un long voyage de 4 semaines aux États-Unis. Ça, c'est chouette. Quel beau voyage. Ouais, un beau voyage en famille. Et surtout aussi, le but, c'était quand même de rendre visite à ma meilleure amie, Denise Halverson, qui est professeure de français à Northfield. C'était quand même le but du voyage. Ah, c'est à Northfield que vous enseignez. Je crois que c'était ailleurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Denise. Et nous, on croyait qu'on connaissait tous les profs français, parce que nous sommes anciens professeurs de français, nous aussi. Et vous voyez, on en découvre toujours. Hein. On est une véritable colonie. Elle est américaine. Pas la France. Non, elle est française de cœur. Tout à fait. Et on se connaît depuis 1986. Donc c'est une longue amitié. Là là. Voilà. Elle était même dans votre mariage, elle m'a dit. Bien sûr. Et là, on a assisté au baptême de sa petite fille dimanche dernier. Donc, Karine est la marraine. Et oui. Et vous êtes la marraine, oui, Karine. Oui, je suis la marraine. C'est la première fois que vous venez aux États-Unis ou vous êtes déjà venue hein? Moi, je suis déjà venue avec mon mari il y a 15 ans. Trois fois, t'es venue? Oui, plusieurs fois. J'ai étudié aux États-Unis, à Morgantown, en Virginie occidentale. Virginie, hein, d'accord, voilà, occidentale. Hein. En 1993, il y a longtemps. En revanche, pour les enfants, c'est la première fois, c'est la découverte. Oh, vous avez de la chance, mes enfants, vous vous rendez compte? Et ils sont à un bon âge hein, pour voyager comme oui, ça. Oui, ils n'oublieront jamais. Je pense. Ça. Mais d'où venez-vous en France ? Les enfants... Nous venons de Cherbourg, en Normandie. Ah, Cherbourg, belle Normandie. Oh là là. Verte. Oh. Oui, et puis Cherbourg qui a un petit peu une histoire commune avec les États-Unis, puisque, évidemment, on n'oublie jamais les plages du débarquement qui sont à 30 km d'où on habite. Et... C'est seulement 30 km. Oui, seulement 30 km. La plage de Normandie. Voilà, et Cherbourg était la première grande ville qui a été libérée en 1944. Oui. Donc évidemment, on a une histoire très commune et on voit souvent des vétérans américains qui reviennent tous les ans le 6 juin, le jour de débarquement, dans notre région. Et nous avons souvent emmené des élèves. Et chaque fois, moi j'insiste, je dis toujours aux Américains, si vous allez en France pour la première fois, il faut absolument que vous preniez le temps d'aller en Normandie et voir les plages du débarquement et aussi surtout le cimetière américain, Saint-Laurent. C'est tellement émouvant, moi j'y suis allée 8 fois en tout pour tout dans ma vie et à chaque fois je pleure. À chaque fois, c'est la même émotion. Ah, oh, parce que ce sont eux qui m'ont libérée. Tout à fait. Ah, absolument. Mais... Si j'étais restée à Paris, Je ne serai pas là à vous parler. Et ça, c'est quelles sûr. Histoires. Hein. Et ça, nos enfants l'ont bien compris aussi. Vous comprenez bien, hein, les enfants, l'histoire de l'invasion. Les... Hein. Oh. Moi, je n'aime pas le mot invasion. Tout le monde dit invasion. Moi, je trouve que c'est un mot négatif. Libération. Voilà. Moi, je dis toujours la libération. Et les Américains nous ont libérés. C'est, ouais. c'est un peu ce que les enfants ont entendu à la maison. Oui, Charlotte il y a 2 jours dans la voiture, m'a raconté l'histoire de l'invasion allemande et de la libération par les Américains. Et à 7 ans, elle a déjà compris. Et je crois que c'est important de leur faire comprendre. Oh, je suis contente de vous entendre dire ça. Pour ne pas oublier, surtout pas oublier. Moi, j'ai vécu l'occupation. J'ai vécu la libération de Paris le 25 août 1944. Un des plus beaux jours de ma vie. Quand je commence à en parler, je vais vous casser les oreilles. Il vaut mieux que je m'arrête. Il faudra attendre jusqu'au... le 25 août, au moment de l'anniversaire. For En anglais maintenant. En anglais, for our non-French-speaking friends, we do have quite a few people that listen to the program in English. Do you learn English? A little? Little. A little? Have an English class? Yes, well, François. The family that we are speaking to is the Millet family from Normandy in France. And they've been here on a month, and they're preparing to go back to France soon. Saturday or Sunday? Saturday. We are leaving Saturday. And this is Karine, the mother, who's answering you in wonderful English. Oh, thanks. And, they want to recall to everyone the Norman liberation, or the liberation of Normandy by the Allies. And the Americans, and they say they are only 30 kilometers from the beaches in Normandy, where the invasion or the liberation took place. Louise prefers liberation to... I'm a nut on that stuff. Yes. You'll put up with me with my stuff like that. You know, that's the way I am. So, you understand me? You understand me? No? No. Yeah. No. Lucas? Mm-hmm. No. Well, we speak French too. On peut parler français aussi, mais la Normandie est très connue pour une très longue histoire. Hein? Oh. Alors, d'abord, Denise, vous avez parlé d'un village. Vous habitez Cherbourg même ou dans les alentours? Cherbourg même. C'est un grand port. Oui. Et, moi, je suis jamais allée à Cherbourg, je ne sais pas pourquoi. Tu connais Cherbourg, toi, d'été? Ben, la première fois que je suis allée en France, je crois qu'on est allé jusqu'à Cherbourg, mais je n'ai pas vu grand-chose. Moi, j'ai non, je n'ai jamais eu l'occasion. Ah, oui, le port, et puis là, j'ai c'est pris les trains. C'est une très belle ville, juste au bord de la mer, et il y a un... C'est un grand port? Oui, un grand port. An enormous port, is the city of Cherbourg. Et même le centre-ville et tout ça, il y a des rues piétonnes et tout ça. C'est mais toute la Normandie est belle. Je ne vous dis pas ça pour vous très flatter. But really, all of Normandy is really a beautiful part of France. Mm-hmm. Oh. J'irai revoir ma Normandie. Tout à fait. Qui m'a donné. Ça se chante encore. Et pour les Américains, qu'est-ce qu'il y a en Normandie, les produits qui sont célèbres? Oh, les enfants. Les produits célèbres en Normandie. Qu'est-ce qu'il y a de célèbre de la Normandie? Qu'est-ce qu'il y a comme dans les fermes, par exemple? Le fromage. Ah, le bon camembert. Ah, le camembert. Oui. Le Livaro. Et le Livaro. Oh, il y a, je comprends. Le Pont-l'Évêque. Voilà, c'est ce que je pense. Pont-l'Évêque. Oui, oui, These are all names of Jesus. Oh, il y a tellement de fromages. What was it de Gaulle said at one time? How can you govern a country that has more than 400 different cheeses? Comment est-ce qu'on peut gouverner un pays où il y a 400 fromages? Oui. C'est incroyable. And, apples. Ah, oui, les pommes. Nous avons, des pommes, et nous avons rencontré quelqu'un hier. Nous faisions une balade près d'une rivière qui nous a dit vive la France et vive le Calvados. Ah, oh, he knew about Calvados. Yes. Calvados is a very famous apple du coeur. Oh, and it's good too. Oui. Un peu fort pour moi. Est-ce que ça existe encore, le petit trou normand? Oui, bien sûr. Ah, you have to explain that in English, Gary. Well, True Norman, or the Norman Hole, is a time that you just take a bit of drink of the Calvados liqueur, and that is to settle your stomach in the middle of a meal and to get you ready for more to come. Yeah, it comes right after the main course. Is this, and yes. Just before the salad and cheese. Before the salad and cheese. You make room. I have forgotten. Kind of you, right? Settles everything so that you can eat more. Right. Oh, la Normandie. C'est vrai, c'est un beau pays, la Normandie. Donc, Jackie a porté de ses chansons qu'il aime bien, des chansons françaises. Oui. Et qu'est-ce que vous m'avez donné, Jackie? Alors, j'ai donné une chanson de Johnny Hallyday, qui est le chanteur français le plus connu et qui aime beaucoup les États-Unis. D'ailleurs, à peu près 6 mois par an, il vit à Los Angeles. Oui. Et il voue un culte particulier à certains auteurs américains comme Tennessee Williams. Et en 1985, il y a un artiste français qui lui avait écrit une chanson, quelque chose de Tennessee, donc qui me semble important dans ses titres et sa discographie à Johnny Hallyday. Et pourtant, il n'est pas très connu aux États-Unis. Non. Non. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est le chanteur le plus connu en France. Oui, oui, il est c'est très ça. Peu connu ailleurs, oui. Et Johnny Hallyday, il est célèbre depuis l'époque de Elvis. Oui, il a fêté ses 50 ans de chansons il y a peu de temps. Et il est encore très populaire en France. Oui, très. Alors, il a eu des graves problèmes de santé dernièrement. Il était soigné aux États-Unis. Et puis, il repart à nouveau avec un punch légendaire à 69 ans. Et c'est reparti. Et je crois qu'il ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, le titre de son dernier album s'appelait « Ça ne s'arrêtera jamais ». Donc, comme comment quoi, c'était quoi? Le titre de son dernier album s'appelait ça ne s'arrêtera jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Non, jamais. Je crois qu'il va mourir sur scène. Il est toujours là. Il va mourir sur scène. Pourquoi pas. Et alors, cette chanson s'appelle comment? Alors, oui. Quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee. Donc, et c'était bien le numéro 5 ou 5, c'est ça, oui. Donc, c'est bon. Par rapport à Tennessee Williams. Alors maintenant, on va entendre. Une très belle chanson. Oui. Ah, oui. Alors, on va écouter Johnny Hallyday. Et quelque chose de Tennessee. Mon enfant nu sur les galets. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Thank you.

La Statue de la Liberté. Oui, la France. Ah, c'est vrai. Oui. Oui, encore une histoire commune. Oui. Mm-hmm. Monsieur Eiffel qui l'a construite. Un petit peu. Un peu, oui. Oui. Et c'est Monsieur Eiffel qui a fait la... qui a participé. Mais Bartholdi était un Français, qui était un Français, oui. Ouais, ouais. Et les Français ont donné de l'argent pour honorer l'Amérique pendant le centenaire de l'Amérique. Oui. C'était un cadeau de la France. Oui. Vous avez fait un grand voyage, non? En oui. voiture? Où, Charlotte? Pour Yellowstone. Yellowstone. Yellowstone. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir? On a vu beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux, quelle sorte d'animaux? Des coyotes. Ouh. Des coyotes, oh là là, je n'aime pas. Oh non, on ne les aime pas. Des serpents, un serpent. Ouh. Qui vivait là, comme dans oui, la forêt? À peu près à 2 mètres de nous, il y avait un serpent. Et où exactement, tu te souviens? Mammoth Hot Spring. Bien. C'était un serpent dangereux. Quel type de serpent, tu te souviens? Un serpent à sonnette. Oui, un serpent à sonnette. Ouh, à sonnette, oui. Serpent à sonnette, ça c'est dangereux. Oui. On a vu beaucoup de bisons. Ah, c'est impressionnant. Et cachés dans l'arbre. Qu'est-ce qu'on a vu? Deux pygargues à tête blanche, a bald eagle. Quoi? Des pygargues à tête blanche, a bald eagle. Bald eagle. Comment on les appelle en français? Comment les appelle? Pygargue à tête blanche. Mais c'est tout à fait unique aux États-Unis. On dit pas aigle. C'est l'emblème des États-Unis. Exactement. Ah, oui. Voilà un enfant instruit, intelligent. on essaie. Il y avait des ours. On n'a pas réussi à en voir. Oh là là, il y en a partout. Oh oui. On a vu plein de cerfs et plein de biches. Ah oui, ça c'est beau. Elles sont jolies. Des cerfs et des biches. Oui. Mmh. Bah maintenant, vous savez, moi j'habite en banlieue et même en ville, hein, Caril. Les biches et les renards et même... Oui, toi, tu en as partout viennent, chez toi. Moi, j'ai des biches qui viennent dans mon petit plat devant ma maison où j'ai une petite plate-bande et des mangeoires pour les oiseaux. Et elles viennent, elles ont tellement faim, ces pauvres biches. Elles viennent lécher les mangeoires à oiseaux, figurez-vous. Alors, elles sont là avec leurs grands yeux. Là. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Moi, chez moi, je n'ai que des lapins. Ah ben, nous aussi. Heureusement, mais il y avait des coyotes dangereux qui... Oui, dans ton coin, il y a des coyotes. Hein. Oui, je surveille mon petit chien. Oui, mais c'est vrai, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Oui. De temps en temps, ils prennent... Et à la sortie du hosto, on a vu une biche avec ses deux fangs. Oh, c'est beau, hein. C'est et on a failli les écraser. Oh. Non, non. Oh. Maman a freiné. Oh. Qui conduisait, François? maman. Papa. C'est moi qui conduisais. Hein. Ouais. La nuit, mes parents ont vu des ratons laveurs. Enfin, nous, on dormait. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Raton laveur. Oh, c'est ça le raccoon. Et ils ont nous écrabouillé, écrasé un raton laveur. Oh, ils sont rigolos à regarder hein, avec leur masque. Oui. Ah, j'en avais dans le passé qui essayaient de chercher dans ma poubelle. Ah oui, oui, ils sont. Parce que ils sont très malins. Oui. Ils peuvent être dangereux aussi. Il faut faire attention. Non. Ils peuvent porter la rage, je sais. Oui, il faut faire attention, mais, vous savez. Enfin, je n'aime pas m'approcher tellement. Oh, moi non plus. Et autrement, au retour, pour retourner chez Denise, on s'est arrêté au mont Rushmore et à Custer State Park. Ça, c'est impressionnant, hein? Ah oui. Moi, quand j'ai qu'est-ce vu que, ça, qu'est-ce que tu as vu, Charlotte? Là. À Custer State Park. À l'entrée, on a vu plein de bisons. Des bisons. Là, Et on a fait une belle rencontre. Voilà. Avec des chiens de prairie. Ah, oui. C'est mignon ça, c'est drôle. Aussi, des chiens de prairie. Et non, et on venait juste d'entrer dans le parc, et là, mon mari me dit, oh, mais on dirait un camping-car français. La taille était française, c'était pas vos grands camping-cars américains immenses. Et j'ai dit, mais en effet, et quand on s'est rapproché du camping-car, on a vu que la plaque d'immatriculation était française. On s'est dit, un camping-car français dans Custer State Park. Là, ça a attisé ma curiosité. Alors, on s'est arrêté. On venait juste de passer un petit tunnel et on s'est arrêté à leur niveau. Ils ont baissé leurs vitres. Et là, c'était une belle rencontre. C'est une famille française qui est partie début mai. Voilà. Ils ont tout vendu, leur maison, leurs meubles, leurs vêtements. Pour passer un an sur le continent américain. Donc, ils ont expédié par bateau le camping-car. Faut le faire. Voilà, c'est la famille Brun. Donc, De quel coin de France ? Haute-Loire, du côté du Puy-en-Velay. Si vous voulez voir leur site, il faut aller sur les Brins en Vadrouille. Voilà, ils ont un site, voilà. Et ça s'appelle les Brins en Vadrouille. Voilà. C'est leur site à l'internet. Voilà. Et donc, ils ont parcouru du nord de l'Amérique jusqu'au sud en faisant un N. Ils vont au sud en hiver parce qu'il fait très froid là au Yellowstone. Il y a beaucoup de neige. Voilà. Ouais. Avec leur petit garçon de 6 ans. Avec un petit garçon de 6 ans ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller à l'école américaine alors ? Non, c'est la maman. Qui lui fait la classe ? Voilà, pendant un an. Voilà. Et c'est déjà un petit aventurier. Oh, c'est sacré français. Oui, et apparemment, chaque année, là, cette année, il y a 1000 familles françaises qui partent comme ça pour un an à l'étranger. Et j'étais très étonnée aussi. Oh, bah moi aussi, parce qu'autrement... Voilà. Autrefois, les Français avaient la réputation d'être très casaniers, de rester chez eux. Oh. Voilà, cette année, c'est 1000 familles françaises qui partent comme ça. Oh, faut que tu leur dises ça en anglais, hein. Well, there's how many 1000 familles cette année quittent la France pour l'étranger pendant un an. People, French people leaving for a whole year, and how many? I didn't hear that number again. 1,000. Oh, 1,000 people leaving for a whole year of traveling around the United States. Not just the everywhere. United States. Yeah. Mm-hmm. Well, I think people are more and more curious about the world. It makes me feel good. That's wonderful. It's brave. You know, it's very courageous. I don't know if I'd want to do that. Oh. I like to travel, but a whole year—that's. And with a six-year-old child? With a six-year-old. Yeah. That family you found? And I'm not sure if I'm able to sell my house and my furniture my clothes. They sold everything, French family that you met. Oh, that's... I'm sorry. I don't... I can't figure that out. It would be very hard to do that. Although I know people who are permanent travelers. They have their own... caravan, with all the luxuries. But usually they do that after they're retired. Yes, at retirement, but not young people. That's unusual. So the sign that French people might have also these pioneer spirit. Yes. Well. Oh. You know this state is very French, as you must have seen the names around, on the state of Minnesota. Yeah. And the devise of the emblem of the state of Minnesota is in French. Really? Oui, l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, c'est Minnesota. En français. C'est écrit en français. Oui. Parce que la pointe, si vous regardez... If you look at the map, I'll say in English. Hein? If you look at the map, you understand me in English? Mm-hmm. If you look at a map of the state of Minnesota, it has a little point at the top. And it's the highest point on the map of the United States that goes up into Canada. Okay. And that's why it's called l'étoile du Nord, the star of the North. Okay. Voilà. Mm-hmm. And it's big, a lot of, il y a beaucoup d'influences françaises. Beaucoup de villes et des fleuves. Il y a Mille Lacs qui est au nord. C'est un grand lac qui s'appelle Mille Lacs. Oui. Il y a même une... Oui, il y a beaucoup de lacs qui trompent à l'eau. Il y a le lac qui parle. Lac qui parle. L'homme à Dieu. L'homme à Dieu. Et l'affluent du Mississippi, c'est la Sainte Croix. D'accord. Sainte Croix. Oui. Et la ville de Duluth, nommée pour Daniel Cressolon, sieur Duluth. L-H-U-T-H. Qu'est-ce que vous croyez? On a beaucoup d'influence française. Au Minnesota, oui. Bon, encore une chanson? Oui. Qu'est-ce que vous avez là dans la collection? Alors, j'ai un disque de Serge Gainsbourg. J'en ai plusieurs, peut-être. Oui, donc c'est un artiste. J'avais choisi une chanson qui s'appelle Bonnie and Clyde. Ah oui, alors, donc, elle le joue souvent. Vous le jouez souvent? Oui. Non, je connaissais bien. Oui, donc il chante avec Brigitte Bardot, donc oui. Je pense qu'il est quand même connu aux États-Unis. Oui. Et donc évidemment, ça part de ce qu'on fait Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Et ça commence aussi, la chanson commence aussi en parlant de Jesse James, qui braquait des banques dans les années 1850 et qui a braqué sa dernière banque à Northfield, oui. Où habite Denise. Alors j'ai trouvé ça marrant de. Ça va, oui. Elle vous a raconté cette histoire déjà. Oui. Il y a un petit musée à Northfield qu'on ira visiter. Et chaque année, il y a une représentation de. Oui. Oui. C'est quand, Denise, cette cérémonie? Toujours le week-end après Labor Day. Ah oui, la fête du travail, enfin, au mois de septembre. Oui. Mm-hmm. Et toujours le week-end après. Et François, il y a 2 ans. C'est ça, tu étais en CE2, donc il y a plus longtemps que ça. Il y a 3 ans, François, à l'école, a appris une chanson sur Jesse James. Oh, par exemple. En français, bien sûr. Il peut la chanter. Tu peux la chanter un petit peu. Non, vas-y. Moi, je ne connais pas François. En plus. Oui. Allez, vas-y, François. Chanson sur Jesse James. Jesse James. Je ne savais pas que ça existait. He learned that in school. À l'école. Okay. Allez, François. Allez, François. Il a peur. Charlotte, tu connais, tu peux chanter avec. Oui, les deux. Oh, on écroule. Et Charlotte, tu connais, tu peux chanter. Tu connais Charlotte? Non, non, elle ne connaît pas. Lucas. Toi, tu es la seule, François. Juste le début. Allez. Moi, je chanterais si je connaissais, mais je ne connais pas. Ferme les yeux. Jesse James est un bandit, dont la tête est mise à prix. Du Kansas au Missouri, ses attaques à main armée, de Danville sont à fait au Far West à jamais. Bravo, bravo, c'est bien, alors. Son frère et sa sœur écroulent de... Voilà. De... He learned that in a French school in Cherbourg. Jesse James. Oh, what a world we live in, mes amis. Ben, on va écouter Bonnie et Clyde. Oui. Alors, c'est quel numéro? Alors, c'est le numéro 6, avec Brigitte Bardot, notre plus belle actrice. Avec Bébé. Oui. L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Well, we're back, and that was Serge Gainsbourg with Bonnie and Clyde. And thanks to Francois, we heard a song that the young people were singing in school called Jesse James. Wasn't that cute, the way he sang that? Yeah, he sings it well. Thanks, Francois. Bien, alors, vous êtes prête à rentrer en France? Alors, vous êtes en voyage? On n'a pas envie. Pas du tout. Quand est-ce que l'école commence? Alors ça, j'ai même pas envie de le savoir. Tu n'as même pas envie de savoir. En septembre, mais je sais pas quel jour. En septembre, hein? Oui. Autrefois, c'était le 1er octobre, la rentrée des classes. Mais maintenant, c'est en septembre. Ah oui, moi, de mon temps, c'était le 1er octobre, toujours, oui. Elle est parisienne, Louise. Ancienne parisienne. ancienne, mes enfants. Paris, on essaie, ça fait 3 ans qu'on les emmène 2 jours par an à Paris. Parce que j'ai envie, enfin avec mon mari, on a envie qu'ils connaissent Paris. Ah, il faut. Voilà. La plus belle ville du monde, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci, Louise. Merci. Il y a tellement de choses à voir aussi. Non, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. J'ai une copine qui va peut-être déménager à Paris. Ah! Et elle m'a dit que des fois, peut-être, elle va m'inviter. Bah, j'espère bien. Et on va faire des choses à Paris, en tout cas. Ah! Il y a beaucoup à faire à Paris, hein, à voir, oui. Oh oui, il y a beaucoup de choses à Paris. Vous aimez bien quand on va à Paris? Oui. Ah, oui. Ah oui, mais la Normandie, c'est si joli. Oh, la Normandie, oui. Il y a la mer. Tout le temps. Il y a la mer, oui. Vous vous baignez de temps en temps dans la mer? On ne peut pas, il fait vraiment pas beau. Non, cette année, on c'est s'est vrai. Baigné une fois. Cette année une est fois, particulièrement mauvais. Et l'eau, mais vraiment, était... Il faisait froid. Cette année, le temps est particulièrement mauvais en France. Mais ici aussi, on a une année bizarre. Pour moi, oui, parce qu'il y a la grande sécheresse. Et puis, il y a eu des pluies, des orages. La planète est tombée sur la tête, comme on dit. On le dit tous. Il arrive. Bah, peut-être vous allez trouver le beau temps à la rentrée. Hein? On parle de réchauffement climatique, en tout cas. Oui, ça c'est vrai, cette année, pas chez nous. En tout cas, depuis qu'on est arrivé ici, notre seul vêtement est le t-shirt. Alors on est quand même très content parce que ça nous a suffi et il a fait très beau. Ah ben il a fait chaud aussi ici. Il fait très chaud le 14 juillet. Oui. Ouh. Oh oui, quand on vous a rencontré, c'est très chaud. Oui. Alors, aussi, on m'a dit que toi, Lucas, tu as un deux chevaux. Oui. Bah, c'est sensationnel. Vous êtes collectionneur, enfin, vous faites partie de... Oui, je fais partie d'un club en Normandie. Ben, ce sont des gens, des jeunes ou des gens de tous les âges? Des gens de tous les âges. Et je suis plus jeune. De quelle année est votre deux chevaux? Elle est de 1979. Pardon? Elle est de 1979. 79? Oui. Ah. Donc elle a 33 ans. Oh là là, plus âgée que vous. Oui. Alors, ça marche bien, toujours? Oh oui, oui. Oh, les Citroën, c'est fort. Une belle voiture. Une bonne petite voiture française, la Citroën. Hein. Mais on ne les fabrique plus, hein, les deux chevaux. Non, c'est fini depuis 1990. Oh, on ne fait plus de Citroën? Ah non, de deux chevaux. Des deux chevaux. Ah, pardon. Des deux pattes. Oui, oui, oui. Mes amis parisiens les appelaient. Ils en avaient une. Deux pattes. La deux pattes. Tout à fait. La deux pattes. Oui. Alors, vous conduisez où? Ah ben, c'est ma seule voiture. Donc, je la conduis tous les jours. Tous les jours? Pour aller au travail. Il n'y a pas de restriction pour une voiture tellement vieille? Ah non, non, pas du tout. Ah, ici, les collectionneurs ont plutôt des plaques pour collectionneurs. Oui. Bon, il n'y a pas tellement de restrictions pour les vieilles voitures. Non. Et d'ailleurs, Lucas, ce qu'il aurait aimé, c'est garder la plaque d'origine. Là, ça l'embête parce qu'il a une plaque assez récente. Et, mais quand même. Et la voiture n'est plus dans son jus. C'est ce que je dis les collectionneurs français. Il faut laisser la voiture dans son jus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut rien changer. Il faut garder... Qu'elle soit comme à l'origine. Comme à l'origine, voilà. Elle est de quelle couleur? Elle est bleue. Oh, elle est bleue. À l'origine, c'était toujours grise. Noire ou non grise, comment elle s'était, j'ai oublié. Les premières étaient grises et après, elles se déclinaient en toutes les couleurs. Et vous faites des réparations s'il en faut ou non, il faut le... Bah là, ce mois-ci, le temps qu'on est en Amérique, elle est chez un ami qui est en train de me refaire, de la peinture dessus. For our American listeners, Luca is telling us he has a deux chevaux, a historic car, which is from, what was it, 73 or 83? 73 ou 79. 79, a Citroën. 79, it's a Citroën, and it's a collector's item now. And it runs well, ça marche bien. Can you imagine a young man, what is 19 years old? Not even. He's the youngest of the club that he belongs to, of the collectors of old Citroën. Aren't they an interesting family? I tell you, they are. He loves Have you antiques. Ever met people like that? I'm going to tell everybody about them. They're going to be so... Jackie, do you drive a Citroën too? Yeah. A family car? Oui, un petit peu, oui. Mais je conduis la deux chevaux de Lucas, un petit peu, quand il veut bien me la prêter, parce que maintenant, maintenant il me dit, papa, tu la conduis plus, papa, tu manges plus dans la voiture. Il devient quand même un petit peu, comment je pourrais dire, il aime plus sa voiture que son père, je crois. It prevents his father from driving, did you? In case people didn't understand that, that's worth translating right there. There you go. A young man, 19 years old, tells his dad, you don't eat in my car, you don't drive. He has to have permission to drive the Citroën. Have you ever heard of such a... I'm just flabbergasted. Je suis tout à fait... Quel est le prix de l'essence en France maintenant? Parce que c'est vous cher. Avez sans doute vu les... Ici, on pense qu'on paye très cher, mais je crois que c'est beaucoup moins. En France, c'est deux fois plus cher. Oui. Twice as expensive for gas in France as it is here. Le diesel est à 1,30 €, 1,31 €. Le litre. A liter is 1,31 € for a liter. For so 1 liter, so four times that. Oh là là. C'est très cher. So it's really expensive. But you get good mileage with your cars. Ça va bien avec deux chevaux. Parce qu'il y a beaucoup de kilomètres avec un litre. Non. Ah oui, elle consomme pas beaucoup. C'est bien. Tu fais quoi, 9 litres 9 litres au 100? Ah non, non, non. Je fais à peu près 6 litres 5 au 100. Ah oui, pardon. 6 litres pour 100 km. Pour 100 km. Oh, 100 kilometers, he has 6 liters of gas. Combien de miles? So that's like, what, a gallon and a half? Or what? What is that? Yes, about a gallon and a half. A gallon is 3.8 liters. Yes, close to 4, but a little less than 4. Mm-hmm. Well, it's time to tell you you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. Alors, on va changer le programme un peu. Est-ce que les Français ont des questions à nous poser? Ah, vous avez des questions? Non? Je sais pas, au moins des... dire merci à Caril et Louise de nous avoir invités parce que quand on s'est rencontrés le 14 juillet... C'était Caril, moi j'y étais pas. D'ailleurs, c'était intéressant parce que on est sorti de l'aéroport de Minneapolis, c'est le premier arrêt qu'on a fait. Ah. Lucas est tombé sur des deux chevaux. Voilà, la première chose qu'il a vue, c'était des deux chevaux. Alors, des deux chevaux aux États-Unis, à Minneapolis, c'était complètement incroyable de tomber dessus. Il y en a dessus. Peu. Il y en a peu. Oui. Il y en a qui collectionnent. Oui. Et donc, Karine nous a gentiment invités. Et ce que je disais tout à l'heure, de se retrouver ici, à Minneapolis, à la radio, pour nous, c'est une bonne expérience. Donc, je voulais les remercier. C'était très gentil. Et puis, j'espère que les gens qui nous écoutent... on leur souhaite le bonjour et on espère qu'il y aura de plus en plus d'auditeurs pour cette radio, hein, parce que la francophonie, il faut qu'elle s'élargisse. C'est très gentil. Mais je vous en prie. C'est vrai, c'est un programme très unique aux États-Unis. Bonjour Minnesota. I ask Jackie if he had, or anyone, if they had questions or that they'd like to ask either Louise or me. And Jackie just said he was very thankful that they were invited, that it was a nice experience to come and visit here. And they just got there. They just got off the plane. To the 14 juillet, on the 14th of July. And then what do they see? A bunch of Citroën. A bunch of French cars. Lucas, you must have just... Lucas était vraiment au ciel, n'est-ce pas, au 7e ciel, pour voir les deux chevaux et les autres citoyennes. Il a dû se demander s'il rêvait. Oh my goodness, isn't life Alors, strange? François, toi, tu as des questions, Charlotte? Questions? Non. Non, pas de questions. Ben, qu'est-ce que vous allez faire au retour? Tomber de fatigue, sans doute, mais... Oui, voilà. On profite, en effet. On s'est dit... c'est vrai que les 4 semaines ont été intenses. On a voulu en profiter au maximum. On se reposera après. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Vous avez vu beaucoup de choses au Minnesota? Oui, vous parliez des lacs tout de suite et les enfants ont adoré. On a passé 2 jours chez la sœur jumelle de Denise, Danette, qui a un joli, alors je ne sais pas, on dit cabane, chalet, près du lac. Oui, une maison près du lac. Quel lac? Amelia, près de Glenwood. Il y a tellement de lacs au Minnesota. Mm-hmm. La devise sur la plaque des voitures, c'est 10,000 lakes, 10 000 lacs, mais en fait, c'est plutôt 20 000. D'accord. Vraiment, vraiment. Vous savez, il y a tellement de lacs. Et donc là, les enfants ont adoré, mais vraiment adoré. Ils ont passé la journée dans l'eau. Le soir, j'ai eu du mal à 7 heures du soir à arracher Charlotte à l'eau parce qu'il y avait des bouées, il y avait des pneus. Oh. Le beau-frère de Denise nous a emmenés faire une balade en bateau. Ensuite, nous a... tirer sur des pneus, ski. Des grosses bouées. Oh, ensuite, on a essayé le ski nautique. Enfin, bon, vous savez que le ski nautique a été inventé au Minnesota en 1921? Eh bien non, je ne savais pas. Au lac Pépin, un nom français. Bah, voilà. I'm telling them, some Minnesotans don't know. C'était un skieur. I have to say it in English, because some Minnesotans don't know that... what do you call it? Ski? Tell me, what do you say in English? Skiing. Water skiing was invented in Minnesota at Lake Pepin in 1921. How about that? Vrai. Hein? Can you beat that? Un skieur qui voulait s'amuser. It was a teenager, they said. Ah bon? Oui, il était tout jeune. A teenager fooled around and next thing you know. Si. Et, superbe. Et les enfants ont tellement aimé. Lucas pense même, il nous a dit, on devrait peut-être venir tous les deux ans. Et on va plus au ski l'hiver, mais on économise pour venir tous les deux ans. Il est tombé amoureux. Voilà, on est tombé amoureux. Du Minnesota, de l'Amérique. Oui, de l'Amérique. Il y a des chances qu'il puisse venir faire des études, s'il veut. Oui, hein? Alors François, c'est Danette qui lui a la sœur jumelle de Denise, qui lui a dit, alors François, est-ce que tu serais prêt à venir vivre un an chez nous, aux États-Unis? C'est ça. Et là, Denise a dit, pourquoi chez toi? Non, moi, je préfère aller chez Denise. Oh, on peut le partager. Moi aussi. Oui, non, mais je suis plus habituée. Enfin, Denise, elle vient tous les ans chez nous. Voilà, on appelle Denise Tati, Denise. Ah. On voit Denise tous les ans ou tous les deux ans. Donc, Denise, they call her Auntie Denise, because they're so the families are so close. She's now part of their family now. Exactly. This lovely lady. Yes. Yeah. Mm-hmm. So. With her pretty blonde hair, real Minnesota blonde. Hein? Vous êtes du Minnesota, hein? Mm-hmm. Ça, c'est la Minnesota typique, vous voyez? Oui. Avec les Nordique, vrais, la vrai. Vraie blonde. Ben, si on écoutait... Oui, qu'est-ce qu'on écoute comic maintenant? Comic strip, par Serge Gainsbourg. Oui. Parce que ça plaît aux jeunes aussi. Alors, voici Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qu'on joue avec là? Brigitte Bardot, c'est comic strip. C'est plus loin dans les notes. Hein? Ah, c'est pas dans les notes, c'est un... Plus tard, oui. Plus tard, oui, d'accord, ok. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Oui. Des... Clip, crack, des... Bang, des... Bang, et des... Zip, shibam. Les swings et les uppercuts, ça fait, Blam, ça fait, splash, et ça fait, stop, ou bien, bon, ou on, parfois même, shabam, pow, blow, win. Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, oui, des, clip, crack, des, bang, des, blow, et des, zip, shabam. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait oui. Quand on s'envole et puis cling. Après quoi je fais tink. Et ça fait bon, je bam. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zip, shabam, pow, blop, win. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crack, pour te protéger, shot, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, slap, shabam. That was Serge Gainsbourg with Comic Strip. And singing along was Brigitte Bardot. Ah. Et merci beaucoup, Rachel, pour votre coup de téléphone. Et merci à toute la famille ici. Alors, est-ce qu'il reste encore à voir ici? Est-ce que vous avez vu le musée de Mill City Museum? Ça, c'est bien. Non. Où est-ce qu'il se trouve? Qu'est-ce qu'il y a à voir encore? À Saint-Paul, il y a le Capitole qui est magnifique. Hein? Oui, faudrait. Alors, demain, ils vont faire Northfield. Demain, ils vont faire Northfield. Oui, voilà. Parce que c'est une vraiment jeudi, une belle le ville. Mall of America encore. Oui, oui, parce que seulement deuxième fois. Voilà. Ah, vous aimez le Mall of America? Ma nièce, beaucoup. Et moi, ça. Voilà. Oui, ma nièce aime beaucoup les vêtements, la mode. Voilà. Oui, et puis nous, le Mall of America, nous, je ne sais pas si on l'aime vraiment, mais il faut quand même aller le voir, parce que ça nous surprend, quoi. Sa grandeur. On l'avait vu en 1997 et on avait été surpris de voir telle grande chose. C'est le plus grand des États-Unis. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment impressionnant. C'était le plus grand magasin du monde. Oui, il vient de se faire doubler. Oui, oui, c'est un centre commercial. Comment on dit ? Centre commercial. Commercial, oui, c'est oui, ça. Oui. Oui. Et ça aussi, ça a été inventé à Minneapolis, le premier du monde entier, Southdale. Oui, c'est notre chambre de commerce. Ah oui, mais mes enfants disent Madame Chamber of Commerce. Parce que je suis toujours en train de vanter le Minnesota. Les villes. Qu'est-ce que vous aimez au Mall of America, les jeunes ? Le parc d'attractions. Les quoi ? Le parc d'attractions. Oh, les parcs d'attractions. Ah, oui. Et alors, c'est bien. Quoi, la montagne russe ou quoi ? Il y a des tas de trucs. Ben, un peu de tout. Un peu de tout. Vous êtes allé ? Nous, on aime bien ce qui fait peur. Avec, ce qui fait peur. Hein? Oui, les choses qui bougent vraiment beaucoup. Et ce qui bouge beaucoup, oui. Ça, ouais. C'est les jeunes, oui. Toi, oui. J'aime surtout le pouce-pouce. Le pouce-pouce. C'est le manège qui tourne comme sur une balançoire. C'est des petits sièges avec des chaises. Moi, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée, je ne sais pas ce qu'il y a. Et ça, c'est un très vieux manège parce que je lui ai dit que sa grand-mère, ma maman d'ailleurs, Jacqueline, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, mamie Jacqueline, c'était son manège préféré. Vous savez, c'est ça, au Mall of America. C'est une manège. Oui, c'est ancien. Oui, il y a d'autres choses qui vous intéressent. Là, il faut faire les valises aussi, ça, c'est pas intéressant, mais nécessaire. On est limité en poids, hein. 23 kilos. Ah, oui, bien sûr. 23 kilos. Mais vous savez, les villes jumelles en particulier sont un grand centre culturel qui surprend beaucoup les visiteurs, même des visiteurs américains. Nous avons tout, nous avons un très grand orchestre symphonique, le Minnesota Orchestra, qui est connu dans le monde entier, qui fait des tournées dans le monde. Le seul orchestre de musique de chambre qui joue à plein temps, St. Paul Chamber Orchestra, full-time Chamber Orchestra, the only one that's full-time in the United States. Nous avons énormément d'universités, on les appelle des collèges, mais... Les universités. Il ne faut pas manquer la beauté naturelle aussi. Ah oui, les lacs. C'est vraiment... Il y a beaucoup de sports, les gens qui aiment les sports. Oui, c'est ça. On peut vraiment s'amuser au Minnesota. On ne s'ennuie pas, hein, n'est-ce pas, Denise? Oui? Finalement, on est limité en poids pour les valises, mais surtout nous, on est limité en temps. Parce qu'on voudrait beaucoup plus de temps pour... Oui, c'est tout. Mais vous reviendrez. Oui, oui, oui. On peut peut-être même s'installer aux États-Unis comme vous, Louise. Hein, c'est ça. Mais c'est vrai Moi, c'était ma destinée. Ce n'était pas prévu comme ça. Voilà. Ça s'est trouvé comme ça. Voilà, c'était ça ma question. Mais est-ce qu'on... C'est une longue histoire. Je ne veux pas vous casser les oreilles. Maintenant, ça prendrait trop longtemps. Ça prendrait beaucoup trop longtemps. Mais ça, c'est vraiment la destinée, quelquefois, vous savez. Oui. Mais je m'y plais beaucoup. Je ne voudrais pas vivre ailleurs. Paris, évidemment. Mais Paris sera toujours Paris. Oui. La plus belle ville du monde. Mais ici, la vie est bien. Mais plus on y vient, plus on a envie d'y venir ici. Oui, c'est la deuxième fois et je m'aperçois que... Il y a quelque chose et que... Et c'est assez pur, il n'y a pas tellement de pollution. Oui. Vous remarquez des changements depuis le premier voyage, Jackie? Peut-être ce que je disais à Karine, il y a peut-être une uniformisation du monde. J'ai l'impression quand même que par rapport à il y a 15 ans, les États-Unis ressemblent plus à l'Europe. Ou l'Europe, ah, l'Europe ah, oui, plus le temps passe. Par ça exemple, peut, oui, je vous donner juste un exemple, hein, c'est les voitures. Il y a encore 15 ans, il y avait encore des grosses américaines. Oui, elles sont plus petites. Et maintenant, on voit aussi que les Américains achètent des Toyota, des Honda, des voitures japonaises, des voitures européennes. Moi, j'ai une Toyota. Et, alors, et donc, il y a un mélange, et petit à petit, ça a tendance à plus se ressembler. Et moi, j'ai vu des changements énormes depuis 1947. Je ne veux pas avoir l'air de dire du mal du Minnesota, mais je vous assure que le Minnesota en 1947 n'était pas aussi intéressant, excusez-moi Denise, que le Minnesota d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Enfin, vous êtes trop jeune pour vous rappeler, mais vraiment, on a fait des... Vraiment, Minnesota has become so sophisticated and more cosmopolitan, we have more ethnic groups. Et là, maintenant, on peut trouver des fromages français, même au supermarché. Oui. Tout ça. Pour moi, j'adore ça. Oui, on peut trouver des... Oui, c'est fou. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand on est arrivé à l'aéroport de Minneapolis, trouver un piano. Il y avait un piano, un piano à l'aéroport. Oui. I should tell our listeners, Karine said she really loved it when she came here and saw the big piano. Where is a piano at the... There's a grand piano in the main entry. Where did it sell that? It's been there for a while now, and I've had many people say how wonderful it was to hear it. Well, Carol is a volunteer. I'm a volunteer. At the airport. I don't play the piano, however. But she's there to greet the travelers who have problems. Ils ont joué au piano. Vous avez joué au piano? Oui, à l'aéroport? Le grand piano ou le... Vous jouez du piano? Dans les bagages aussi. Hein? Moi non, les enfants un c'était peu. Au bagage. Non. C'était à l'arrivée, ouais, oui. The baggage claim. Oui. Oh, ah oui, there's a smaller one in the baggage claim. I haven't gone to the airport for a while, so I don't know. Et j'ai trouvé ça... Voilà, ça, on ne trouvera pas ça en France. Je peux marier. Hein, voilà. Et ça, j'ai dit, on est vraiment, on est vraiment aux États-Unis. Ils sont capables d'émettre un piano. Des surprises. Voilà. Oui, il y avait des pianos un peu partout. Il y en avait devant le Ordway Theater. Ah oui? Un peu partout dans la ville. Et tout le monde se mettait là, jouait comme ça. They're surprised at the piano program for our American listeners that... And pleased, I think, to see the grand piano in the airport. J'étais là lundi et il y avait une dame bénévole qui jouait, sensationnellement. Elle jouait des chansons sans arrêt. Ah. Et c'est très agréable. Oui. Only in America, on dit. Je ne sais pas à qui c'était l'idée, mais c'était une bonne idée. Only in America, on verra des choses. Voilà. C'est vrai. Ils sont fous, Jackie said that he had seen great differences since his first trip in America until now, and he has noticed that there seems to be a approaching of the two cultures, sides of the cultures on our cultures other side are of the getting Atlantic closer, and our cultures because there's more contact. Parce qu'on avait davantage de contacts, sans doute. Oui, on trouve. Vraiment. Mais même si, et heureusement, on ouvre les yeux sans arrêt, parce qu'on découvre quand même des choses qui sont différentes. Et heureusement que chacun garde son identité. Quoi. Il ne faut surtout pas la perdre. Parce que nous, avec l'Europe qui s'est créée, par exemple... on aurait peut-être tendance à perdre notre identité. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. Hein. Il faut quand c'est même la garder. C'est un problème en ce moment. C'est un gros problème en Europe. Il y a une crise en ce moment. Oui, la en crise Europe. En Europe est, qui est très importante. Oui. Et pourtant, on ne peut pas retourner en arrière non plus. C'est impossible. Non. Il faut qu'on soit fort quand même. Oui. Et ce que je voudrais dire aussi, ce qui ne m'a pas surpris, mais qui a encore plus été évident cette année, c'est la gentillesse et des Américains et leur côté, leur côté avenant. Ouais, curieux. C'est-à-dire quand ils nous entendaient parler, quand ils nous voyaient, c'était eux qui s'approchaient de nous pour nous demander d'où on venait. Where are you from, guys? Voilà. Ça, on l'a eu. Mais oui, mais. Ce qu'on faisait. Il y a un côté bon enfant. Tout à fait. Oui. Jeune. Tout à fait. Bon enfant qui n'a qui existe voilà. encore. Vraiment un côté sympathique de tous les gens qu'on a rencontrés. Vraiment, personne ne nous a déçus. Ouais. Tout le monde était très sympa et ça, des bonnes rencontres. Voilà, quand on nous entendait parler français, tout de suite, on venait vers nous et disait « Oh, c'est vraiment joli. » Tu m'as dit plusieurs fois, tu m'as dit « Ça y est, tu as encore engagé une conversation. » Mais c'est vrai. Mais c'était, et les gens disaient « Oh, ben oui, j'ai appris un peu le français, mais il y a très, très longtemps. » et disait quelques mots en français. Hein. Oui. C'est plus arrivé. Avenant qu'en Europe. Et la France a encore beaucoup de prestige. Oui, bien sûr. Parce que moi, je sais qu'en anglais, j'ai encore un petit accent quand je parle anglais, hein, Carol? Oh, très peu, lui. Mais alors, les gens ne reconnaissent pas. Ils me disent, oh, you have a little accent. Where are you from? Alors, quand je dis, well, I'm from France, originally. Oh! Oui. Et après, quand ils disent, where in France? Paris. Oh! C'est still that prestige. Alors, est-ce que, Jackie, est-ce que vous avez encore des chansons? Alors, j'en ai, sinon. Oui, je... Vous passez une chanson peut-être d'Alain Souchon. Il est bien Alain Souchon. Oui. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la chanson? Ça s'appelle Le Bagad de Lambiwe. Alors c'est sur un groupe, alors pas normand mais breton. Ah. Et le thème de la chanson c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire de sa vie ce qu'il voulait, mais voilà, qui doit se contenter de ce qu'il a. Mais il faut dire aux jeunes qui sont près de nous là. Comment ça s'appelle la chanson? Le Bagad de Lambiwe. Le Bagad. Alors, ce sont des groupes folkloriques bretons. Oui, Bagad. Un Bagad. Voilà. Oh, le Bagad. Oui. Comment ça s'écrit? B-A-G-A-D. Oui. Voilà, donc c'est très breton hein, comme appellation. Le Bagad? Oui. Le Bagad de Lambiwe. Alors, Lambiwe, c'est L-A-2-N, c'est loin, B-I-H-O-U. Alors, c'est une ville, Lambiwe. Juste à côté de Lorient. Voilà. Le breton, c'est quel numéro? Le numéro 3. 3. Voilà, oui. Moi, mon amie Colette, on était camarade amie de lycée autrefois, et elle habite au Croisic depuis longtemps. Elle s'est mariée avec un Croisiquet. Oui. Alors, je connais bien le Croisic, et je sais que tout ce qui est de la Bretagne, c'est fascinant aussi, la Bretagne. Oui. Ouais, c'est mystérieux, c'est fascinant. Alors, c'est Alain Souchon avec le Bagad de quoi? De Lambiwe. Lambiwe. Ça serait intéressant, ça. Comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laid sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le Bagad de Lambiwe. Tu la voyais pas comme ça ta vie. Tapio capotage et salsifis.

moi j'étais largué, classé. Elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Ils sont faits pour deux, ces bambous. Là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cut, claqué des tirelis. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux, ça me faisait souffrir. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset. Je voudrais qu'il s'en aille, toi je l'aime. Avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau. Ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle, malheureux comme tout. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Les capitaines beaux, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette, sur notre canapé. Allez, Somerset, ailleurs, cassez les autres cœurs des autres fiancés. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset. C'est mon gars. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset. Well, we heard there a number by Alain Souchon. It was from our guest here, Jackie Millet, and it was called Somerset Maugham, Mom for the American writer. C'est intéressant. That's interesting that they sing of authors. Yeah, they're interested. Je connais peu de chansons américaines qui sont au sujet des auteurs. Oui. Merci beaucoup, Jackie. Alors, c'était des CD qui appartenaient à Denise, donc ça notre ami à Denise. Donc, qui alors, s'intéresse vraiment Denise. Beaucoup à la culture française et américaine. Oh, je parie qu'elle est bon prof de français, cette Denise. Oui. Ça c'est sûr. Je le sens. Oui. Et je puis, sens. Elle aime la France et on le sait. Et donc, je pense que ça, et vous pouvez communiquer ça à vos élèves. Hein. Ça, alors, qu'est-ce que les jeunes écoutent en France maintenant? Quels sont les chanteurs préférés? Un peu les mêmes que vous, Katy Perry. Et puis, pardon? C'est un peu les mêmes que vous. Que les mêmes que vous. Non, que les chanteuses américaines. Je n'entends pas du tout. Zaz, voilà. Zaz. Non, les chanteuses françaises. Les chanteurs. Qui? Renan Luce, très bien. Renaud? Que les jeunes écoutent. Renan Luce. Ah, connais pas un chanteur que les jeunes aiment oui, en oui. France. D'ailleurs, vous avez dit Renaud. Renan Luce est marié à la fille de Renaud. C'est rigolo. Ah. Non, il y a des chanteurs français d'une jeune génération, mais qui est très peu connue ailleurs. Quoi. C'est les chansons américaines qui marchent. Ah oui. C'est différent aussi, du rock américain, alors. Hein? Oui, c'est différent. Par les chansons anglo-saxonnes. Ouais. Ouais. Mais les chansons françaises, encore, c'est des valeurs sûres. Souchon, Cabrel. D'ailleurs, Charlotte voulait dire que cette année, à l'école, elle a appris une chanson de Souchon. Tiens. Le jour, plusieurs, mais Le jour et la nuit. Très jolie chanson. Oh. Et les bénéfices de cette chanson vont aux enfants malades. Oh. Donc, on lui a offert justement le CD pour son anniversaire en mars dernier. Et c'est un très joli CD à offrir. Et en plus, je vous dis, l'argent va aux enfants malades. Donc, ça s'appelle Le jour et la nuit. C'est joli. Peut-être que Charlotte, tu pourrais nous en chanter un petit peu. Le jour et la nuit. Hein? Je la connais par cœur. Oh, chante-la. Tu veux bien? Tu connais des chansons, Charlotte? Vas-y. Vas-y, deux, trois. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Le jour, on me colle à l'école et je vais au petit collège. Tout ce que le maître a de sa tête me la mettra. Dans la mienne, Napoléon, les ancêtres de Cro-Magnon. Déclinaison, conjugaison, les mots, leur terminaison. Addition, soustraction, au bout d'un moment, on s'ennuie. Mais la nuit, un grand oiseau lavable m'emporte sur son double. On s'envole dans le ciel bleu, à tous les avions que l'on double. On vole au vent, on vole en rêvant, comme Superman et Peter Pan. Jumbo l'éléphant volant, on se lance dans le vide. La nuit, c'est moi qui décide. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Le jour, voulez-vous vous taire? Le jour, roche tes affaires. T'as des devoirs à faire, c'est la faute à Voltaire. Après, tu cours dans la cour, après... Bon. Tu retournes en cours, suivre le livre. C'est là qu'on apprend à vivre, à réfléchir, à obéir. Quelquefois aussi on s'ennuie. Mais la nuit, un grand requin lavable m'emporte sur son double. On se balade dans la rade avec les poissons camarades. Oh Nemo, oh Jack Sparrow, on voit des pièces dans un trésor tout au fond de l'eau qui dort. Je suis une pieuvre livide, la nuit c'est moi qui décide. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Bravo! Elle va être la nouvelle. Star du musical français. Oui. C'est bien. Where in the world? Did you realize that you American listeners, this little girl, how old is she again? 8? 7. 7? Charlotte a 7 ans. Mm-hmm. She's only 7 years old. She did you hear her sing that song? Oui. She didn't even need an orchestra or guitar or anything. The day and the night. And that's day and the night. Was a song that she received for her birthday. Someday she'll be famous and we'll say, we knew her when she was 7 years old. On la connaissait quand elle avait 7 ans. Mais ça m'étonne, tu connaissais toutes les paroles. Hein? Formidable. J'aime beaucoup. Ça alors. Parce que sinon, hein? Je ne les connais pas toutes les paroles. Ah, mais celle-là, c'était sa préférée, le jour et la nuit. Oh, ma cocotte, t'es mignonne comme tout. Toi, tu as un avenir, hein? C'est moi qui te le dis. Écoute, il y a ma copine qui est chez ma nourrice. Oui. C'est sa chanson qu'elle déteste le plus. Elle déteste la chanson? Oui. Elle est tellement à l'aise, hein? Elle a une personnalité. Have you ever heard such a thing, Caril? Non, c'est bien. Hein. Ah. Moi, j'aime bien. Ça alors, ma petite Charlotte, tu es quelque chose. Ta petite sœur. Oui. On a quelques annonces. Ah. Des annonces. Do you like KFAI? Like us on Facebook. This Friday, we are launching a 2-week campaign to reach 5,000 likes on the KFAI fan page. Tell your friends to like us on Facebook. We already have more than 3,000 followers, so let's break it past 5,000 in the next 2 weeks. Make a status update tagging the KFAI fan page on Facebook. It's that easy. Thanks. Thanks for tuning in to your community. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks. Thanks for supporting community radio. Live from Studio 5. This week on Live from Studio 5, Ready Goes. Oh, everyone wants to be famous, wanna be famous. Cashing in my 15 for the big screen. The money and the good life, dying in the spotlight. Oh, everyone wants to be famous, wanna be famous. Oh, everyone wants to be famous, I'm gonna be famous. Tune in for a performance by Ready Goes on Live from Studio 5 this Wednesday, August 1st at 10 p.m. on KFAI. Alors, nous voici. Here we're back again with the Millet family from Normandy, France. It's Jackie and Karine and their three children, Luca, François, and Charlotte. Who sang for us just a minute ago. A great, great rendition of Day and Night, Jour et la Nuit. A great song. Merci we should beaucoup. Mention the nice lady teacher, too. Our hostess of this family is their dear friend, Denise Halverson from, where are you from, Denise? Northfield, Minnesota. Originally, I grew up in Wilmer. Oh, she grew up originally in Wilmer. And she met the family when she was a student at Concordia College and had a stay in France, and she stayed with her family. And they become very close friends since then, over the years. She's almost like an auntie to like the children. Like an auntie, yeah. Yes. Uh-huh. Isn't that beautiful? Mm-hmm. Doesn't that make you feel good all over to see that? Yes. Si j'ose, est-ce que je peux vous demander des questions sur la présidence et le nouveau président? Oui, comment ça va? Oui. On est très contents. vous êtes contents? Surtout d'ailleurs. Oui, parce qu'on est contents. alors, voilà. Espérons que ça marche bien. Et la crise économique, c'est mondial, là. Oui, mais c'est pas facile d'être dirigeant d'un pays maintenant, n'importe quel pays. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, alors c'est vrai qu'on est parents et ce que je déplorais ces dernières années, c'est la suppression de masse hein, de postes de professeurs, des classes qui ferment et en grande section de maternelle, Charlotte comptait 30 enfants dans sa classe. 30. Mmh. Et en maternelle, ça fait beaucoup. Et là, on sait, par exemple, qu'avec l'arrivée de François Hollande, eh bien, ma foi, il y avait, en tout cas, ce qui nous concerne, dans notre région, il y avait une dizaine de postes qui devaient être supprimés et qui sont maintenus. Bon, on ne les a pas supprimés. Non, alors on ne les a pas supprimés. Mais ça c'est bien. Pour les professeurs ou maîtresses, etc. Les enseignants. Voilà. C'est arrivé l'année dernière. La maîtresse était absente pas beaucoup, deux jours, mais elle n'a pas été remplacée. Et ça, avant, ça n'existait pas. Il y avait toujours un remplaçant, même pour un jour, même pour deux jours. Et le problème, c'est que dans notre département, parfois, il n'y a pas d'instituteur remplaçant. Voilà. Oh. Voilà. Et qu'est-ce que les jeunes font alors, les étudiants? Ils ne veulent pas enseigner. Ils restent à la maison ou quoi? Ah non, ça c'est un choix, hein, c'est un choix là du gouvernement de réduire le nombre d'enseignants pour faire des économies. Malheur. Le précédent gouvernement. Maintenant, il va créer 60 000 postes. Voilà. Le nouveau président, avec son gouvernement, crée 60 000 postes nouveaux d'enseignants. Oh, wonderful. Ça, ça va aider l'économie aussi, alors. A question to our listeners is that, are they happy with their new president? And they said, very much so. There's some 60,000 new people in the teaching field, where formerly her youngest daughter was in a class of 30 in maternelle, elementary school, yes, huh? But it's kindergarten. Kindergarten. Yeah. So 30 children, yes, that's a large class for little kids. Pardon, Jackie, je vous ai coupé. Qu'est-ce que vous allez dire? Charlotte would come late, I mean, at home, and she would say, oh, mom, I've got a headache. Said, no wonder you are 30 in class, especially in kindergarten. Too much. Yes, of course. Non, c'est vrai que François Hollande, le nouveau président, arrive dans une période très difficile, avec une crise économique mondiale, mais plus particulièrement européenne depuis 3 ans. Alors il ne va pas résoudre tous les problèmes, ça c'est sûr, ça va être très possible. Difficile et même trop difficile, mais son programme, et ses envies et sa personnalité font que on est un petit peu plus optimiste qu'avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président, qui lui, au lieu de résoudre peut-être les problèmes, a plutôt pensé à faire que son statut personnel et le statut des gens particulièrement aisés soient plus mis en avant. Quoi. Et je crois que François Hollande est plus proche des gens que l'était l'ancien président. Quoi. Donc il a une personnalité qui nous plaît plus et on a un peu plus confiance quand même. Quoi. Même si ça va être difficile. Tant mieux. Hein? The question was, what do they think of the new president? And Jackie said that they think his personality is better than the previous one, Sarkozy, who was more interested in the wealthy. And this one seems to be closer to the middle class and people. Regular people. Mm-mm. Well, let's hope that 60,000 new jobs in teaching is great. It's difficult everywhere, no matter what. Yes, that's for sure. But tu as des annonces? Encore des annonces. J'ai presque oublié. Des annonces de l'Alliance française ou de quoi? Here's the announcements for what's going on in the Twin Cities. Two films are on, The Intouchables, Les Intouchables. Oh, formidable. You liked it. Oh, vous avez I'm not vu? The only one, huh? Oui. C'est formidable. Oh. Justement, en ce moment où les temps sont quand même assez difficiles, durs, où on nous dit que ça va être dur, qu'il faut économiser, qu'il faut... Eh bien, ça fait du bien, ce genre de film. Ça fait du bien. C'est profondément humain. Ben, voilà. Et en même temps, l'humour. Oui. Oh, mmh. Jamais tant rigolé de ma vie avant pendant un film. Oui. C'est vrai. J'ai une collègue de travail qui a, depuis l'âge de 3 ans et demi, de gros problèmes de santé. Elle y est allée 3 fois le voir. Et moi, elle me dit à chaque fois, ça me fait du bien. J'ai vu deux fois et je veux continuer encore. Oui. Karine remarqued that in this particular time of economic difficulties, it was an uplifting film. Mm. Yeah, and, because it's still so at human. It's still at the Lagoon. It's still, I believe, it's still at the Lagoon. Yes, it is. Mm-hmm. Very touching film, wonderful film, and that's the first time I'd seen Omar Sy. La première fois que je l'ai vu, il est en grand talent. Oh là là, l'autre, je l'ai vu, mais je ne connaissais pas tellement qui c'était l'autre. François Cluzet. Oh, François Cluzet, oui, très connu. Très connu. Ouais. Mm-hmm. Ah. So, the other French film in town is Les Adieux à la Reine, avec Léa Seydoux et Diane Kruger. Ah oui, Diane Kruger. Oui. It's a film, Farewell My Queen, in English. It's by director Benoît Jacquot. Ah oui. And it's about Marie Antoinette, the court of Marie Antoinette, and the final days before the revolution. It's on at the Edina Cinema presently. It's, let's see, I don't know what the rating is. It's rated R for brief graphic nudity and language. At the Alliance Française. Always something going on there. Français en famille, samedi, Saturday, August 4th, from 1 to 4. Come and learn French as a family. Join experienced Alliance Française instructor Marie-Jeanne Argit as she leads you through fun activities in French for experienced learners and for children 4 years and older. Oh, she's a fabulous teacher of a elementary level. Oh, she's amazing. That Marie-Jeanne. Mm-hmm. Oh, yeah. And then they announced they have a new blog at the Alliance Française. Comment est-ce qu'on dit blog? Un blog. Un blog. On dit un blog. Ah oui? Oui, un blog. Oh, and they want you to submit things to the blog. Submit a post to contribute, post ideas that include a story, photos, or something about a recent trip to France, or your favorite French recipe, or your favorite French movie. For a native French people, you could put a feature on your hometown. Ah, si vous voulez écrire à Cherbourg. Mm-hmm. And teach us more about lesser-known areas. Contact Brigitte, the marketing communication intern, at communications@afmsp.org. Navigateur de la littérature meets Wednesday, that's tomorrow, from 6 to 8, a French book club for intermediate readers. And they will be reading La Gloire de mon Père, de Marcel Pagnol. Ciné Club, Friday, August 10th, 7 p.m., Les Beaux Gosses. Oh, très bien. C'est bien. Good movie? Ah, c'est un très bon film, ça, Les Beaux Gosses. J'ai beaucoup aimé. J'ai oublié le nom du réalisateur, cette bande de jeunes. Riyad Satouf. Oui. C'est le Riyad, c'est lui qui a réalisé. Riyad Satouf. C'est ça. Où là, c'est... En fait, c'est les jeunes de banlieue et leurs préoccupations de maintenant. Bande d'ados. Coming of age tale among adolescent boys and his efforts to fit in. Is that this Friday? Yes, at the Alliance, in French with English subtitles, free and open to the public. J'ai bien aimé ce film-là. Mm-hmm. In English, it's called The French Kissers. C'est bon film. C'est bizarre. Ouais. A new book for the Cercle du Livre is called Le Jeu de l'Amour. Et du hasard by Marivaux is available for purchase at the office with notes. And next meeting will be held on Wednesday, September 12th at 5:30. Still playing is Hugo on Saturday, July 28th, around 9 p.m., an outdoor film, 15 minutes after sunset at Sibley Park. Hugo, the film, is they're showing it outdoors? What? Mm-hmm. Well, it's done July 28th. That's over, right? Oh. Sibley Park. Saturday, July 28th. I missed that one. Oh, we missed that. Yeah, why did I write non-onset? That's past. Oh, okay. The best baguettes in the Twin Cities. The first place was, this was a contest on July 14th, Bastille Day. The first prize was Rustica Bakery. Second prize, Sun Street Breads. And Chez Arnaud came in third at the baguette tasting held on le 14 juillet. Et voilà, c'est toutes les annonces. Eh bien, vous voyez, ils sont pas chauds. Alors, moi, j'ai encore une question. Est-ce que vous avez pu manger la cuisine américaine? Bien sûr! Ah ben, Sir Denise, sans doute, elle cuisine comme une ange. Hein? Ouais, mais alors, ailleurs, est-ce que les Français ont dit, oh là là, surtout le café? Ah oui. Oui, alors j'étais très très malheureux avec ce café. Il aurait fallu que j'en boive des hectolitres pour avoir ma dose de caféine. Et heureusement, chez Denise, je peux le faire moi-même. Et, ouais. Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et elle ne dit rien parce qu'il est fort. Et les enfants, la cuisine américaine, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez aimé les McDo? Ah oh, oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé de bien chez moi? Corn on the cob. Yeah, that's very American. C'est pas connu en France. On pense que c'est pour les bêtes. C'est bon d'ailleurs, hein. C'est bon, hein. C'est une autre race de maïs. Oui. Oui. Moi j'aime bien. C'est du bon maïs, oui. J'ai bien aimé aussi les pancakes. Les pancakes. Ah oui. C'est des crêpes. Bon, hein. Sont des crêpes épaisses. Oui. Avec le bacon. Oui. J'ai bien aimé aussi les biscuits. Et quoi? Biscuits. Biscuits. Hein? Et cookies? Vous aimez ça? Les cookies. Oui. Je ne suis pas les petits gâteaux. Mais ce que mes enfants aiment par-dessus tout, c'est le free refill. Un free refill. On va manger à un restaurant. Ça n'existe pas en France. Hein. Oui, c'est gratuit après. Le popcorn, il était gratuit à un restaurant, par exemple. Qu'est-ce qui a été gratuit ? Le popcorn. Le popcorn est gratuit. Ah oui, ça dépend. Ça dépend des restaurants. Au cinéma. Oui. Non, mais certains restaurants ont des cacahuètes ou des popcorns gratuits. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est vos barbecues. La viande, comment elle est préparée. Enfin, j'aime beaucoup les barbecues ici. Oui, vous voyez. Hein. Moi aussi, mais ça n'existe pas en France ou... Si, c'est différent des méchouis. C'est pas un peu différent. Ou les... Si, oui. Des fois, vous faites mariner la viande, hein, par exemple, d'aneth dans le citron. Enfin, je ne sais pas. Ou même votre barbecue sauce, elle est super bonne. Moi, je fais mariner dans une vinaigrette. Et après, ça rend la viande plus tendre. Tendre, tout à fait. Ça donne un peu de goût. Alors, qu'est-ce qu'on joue maintenant? Il ne reste pas beaucoup de temps. Il est presque l'heure. On n'a que 5 minutes qui restent. Je crois qu'on va jouer. Qu'est-ce qu'on va jouer? Tu veux que Charles Trenet, la mère. Tu veux que j'annonce Oui, attends. La mère. Ouais, on a le temps de jouer autre chose. On n'a pas fait quoi? Je ne sais pas. On a le temps de jouer autre chose que la mère. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, moi. Tu avais mis la mère pour la dernière chanson. Je veux bien. Oui, pourquoi pas. Oh, on adore Charles Trenet, ma génération. Ah oui, il est toujours très écouté en France. Il est encore aimé en France. Oui, encore aimé en France. Moi, quand j'étais jeune. Son surnom, le fou chantant. Mais c'est quelqu'un qui, même encore, influence. Quelqu'un qui influence les artistes encore maintenant. C'était un vrai poète. Oui. Un génie. Un vrai poète de la chanson, oui. On va dire au revoir maintenant ou qu'est-ce qu'on va faire On a le temps de dire au revoir maintenant ou après ou quoi? C'est seulement 3 minutes. Oui, on va dire au revoir. Alors, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir semaine. À tout le monde. Bonne semaine et bonjour. Bonjour, Ménisoté. Merci beaucoup, toute la famille. Bon retour en France. Bon retour. C'est nous qui vous remercions et puis... Je voulais dire un merci spécial à Denise et à ce qui lui est arrivé Denise. De très beau ces derniers temps avec la naissance et l'adoption de sa petite fille. Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel, merci Denise. Et quel âge elle a? 6 mois. Oh, elle doit être mignonne comme bébé. Tout. Elle est. Vous avez une photo? Bien sûr. Et maintenant, on joue. On verra. Charles Trenet, la mère. Oui. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs des grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie. KFAI, Radio Without Boundaries, 90.3 and 106.7 FM, Minneapolis and St. Paul. Online at KFAI.org. Realizing by now that Nikolai is not in the studio. Nope, he is gallivanting around New York City, so I hope he's enjoying himself out there. He called me in on the case and pretty much gave me carte blanche. So I'm gonna take it up until midnight when Dart Gun kicks in. This is KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul. I'm DJ Baby Swiss.